franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Où va la Turquie? Et comment évolueront les islamistes dits modérés qui sont au pouvoir à Ankara, qui pourraient inspirer les acteurs du printemps arabe? Finiront-ils par jeter le masque et adopter un islamisme plus radical? Plusieurs indices semblent le montrer. Ainsi, par exemple, ces arrestations arbitraires de dizaines de journalistes, ou encore la reprise de la répression contre les Kurdes. Mais ces islamistes doivent d'abord saper définitivement l'influence et le pouvoir des militaires qui ont si longtemps dirigé le pays, directement ou indirectement. Des militaires qui se présentent, rappelons-le, comme les garants de la laïcité instaurée il y a 89 ans par le père de la Turquie moderne, Atatürk. Nous l'avons vu la semaine passée avec M. X, la confrontation entre les généraux et les islamistes a commencé dès 2002, lorsque ces derniers ont remporté les élections législatives. Fort de ce succès électoral renouvelé à deux reprises, le Premier ministre Erdogan a donc entrepris de réduire progressivement le pouvoir des militaires, avec une méthode imparable, la dénonciation des crimes passés des généraux et leur implication dans des complots destinés à renverser le régime. Mais si certaines de ces accusations semblent fondées, d'autres sentent la manipulation. La suite avec M. X. Dans leur volonté de se débarrasser de la tutelle des généraux, les islamistes au pouvoir frappent de plus en plus fort. Par exemple, au début de cette année, ils ont ordonné l'arrestation de l'ancien chef d'état-major, İlker Başbuğ. Et de quoi est-il accusé? D'avoir été un des membres actifs d'une cellule de propagande anti-islamiste. Ah oui, ça c'est un délit d'opinion. Il me semble, en effet. Et le gouvernement turc n'hésite plus à user de telles méthodes arbitraires. On verra ça en particulier avec la répression entreprise contre les Kurdes. Mais dans le cas de Başbuğ, il faut souligner que l'armée n'a pas bougé et que ses principaux dignitaires se sont tués. Ouais, c'est le signe que les islamistes du parti au pouvoir, l'AKP, ont déjà gagné dans leur confrontation avec les militaires. Bon, en tout cas, ils ont marqué des points, c'est incontestable. Et le grand tournant, je dois vous le rappeler, c'est l'affaire Ergenekon. Oui, c'est du nom d'une vallée mythique de l'Asie centrale qui serait le berceau du peuple turc. Ah, vois que vous n'avez rien oublié. Alors bon, revenons à grands traits sur cette affaire. Tout commence en novembre 2005. Une librairie kurde est attaquée à la grenade dans une localité du sud-est de la Turquie. Une personne est tuée et plusieurs autres sont blessés. Et malheureusement, c'est un événement assez banal en pays kurde où les escadrons de la mort sévissent toujours et combattent à leur façon les indépendantistes. Mais c'est la suite qui n'est pas ordinaire. Oui, rappelez-moi. Le libraire, qui est sain et sauf, court derrière le terroriste, accompagné par plusieurs passants. Il parvient à le rattraper et au moment où il s'engouffre dans un véhicule qui porte une immatriculation officielle et où l'attendent deux complices. Mmh. Et les trois types sont capturés. Exactement. Et c'est un véritable coup de théâtre, car ces trois assassins sont d'authentiques membres des forces de l'ordre. Tous trois appartiennent à une unité spéciale de la gendarmerie, le JITEM, ce qui veut dire l'Organisation de renseignement et de lutte contre la terreur. Une entité semi-clandestine. Oui, encore une, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. L'état profond, pour reprendre l'expression utilisée par les Turcs, fourmillait de sociétés secrètes paramilitaires, toutes issues de l'armée ou des forces de l'ordre. Mais c'est incontestablement le JITEM qui était l'une des plus importantes et les plus redoutablement efficaces. Songez qu'on va lui attribuer la responsabilité de la disparition de centaines de villageois kurdes raflés à leur domicile. On en aura la preuve en mars 2009, lorsqu'on récupérera les restes de certains de ces disparus dans des puits où ils avaient été précipités. Donc de véritables exécutions. Enfin, des exécutions extrajudiciaires, comme on dirait pudiquement.

Dans son ouvrage « Les armées secrètes de l'OTAN », Daniel Ganzer cite un texte d'un ancien commandant d'unité paramilitaire. Celui-ci, un certain Herzover, décrit les méthodes utilisées en particulier contre les Kurdes. Et Ganzer ajoute « Herzover explique aussi comment ces unités terroristes s'étaient enrichies en levant des impôts privés le long de l'autoroute de l'héroïne, l'itinéraire emprunté pour passer la drogue d'Afghanistan en Occident via la Turquie. Parmi d'autres missions effectuées par la contre-guérilla, Herzever évoquait notamment les opérations sous fausse bannière au cours desquelles les agents Stay Behind, c'est-à-dire Gladio, déguisés en combattants du PKK, attaquaient des villages, violaient et exécutaient les civils au hasard. Si le déguisement était suffisamment crédible, ce genre d'action affaiblissait dans la région le soutien populaire au PKK. Le major confirme que de nombreux anciens loups gris et d'autres militants d'extrême droite avaient été recrutés directement en prison pour rejoindre les escadrons de la mort. Police et justice ont donc mis en lumière une dérive inquiétante des militaires. Mais le verre était dans le fruit depuis longtemps. Dans cette mesure, les loups gris dont je vous ai parlé la semaine dernière ont été des précurseurs. Car les premiers, ils ont recruté dans la pègre. Mais les généraux étaient persuadés d'agir pour le bien de leur pays. Sur ce point, les écoutes téléphoniques réalisées par la police sont particulièrement éloquentes. Dans leurs conversations, ces dignitaires ne font pas mystère de leur mépris pour un peuple oublieux, prêt à écouter les fables les plus obscurantistes. Et donc islamistes. C'est en effet clair. Et ces généraux étaient donc décidés à tout faire pour sauver l'héritage kémaliste. Et il paraît presque certain qu'il y a parmi eux des gens qui n'ont pas renoncé. Et donc qui continueraient à comploter. Là, il faut être extrêmement prudent. Car le pouvoir, après avoir l'impression d'avoir découvert la poule aux œufs d'or... Ouais, ce complot-là, Ergen Ekon, qui lui a permis de porter des coups sévères aux militaires. C'est ça. Donc le pouvoir est maintenant tenté de découvrir d'autres œufs, quitte à les inventer, parce que la lutte entre les laïcs et les religieux continue en Turquie. Un seul exemple. Lorsque le gouvernement Erdogan a annoncé son intention d'autoriser le voile à l'université, les kémalistes ont réagi en essayant de faire interdire l'AKP par la Cour constitutionnelle. La partie est donc loin d'être terminée. Mais est-ce qu'on ne peut pas soupçonner Erdogan et les siens de mener une véritable chasse aux sorcières contre les laïcs à l'occasion de cette affaire Ergen Ekon? Je vous l'ai dit, la tentation doit certainement exister, surtout chez ceux qui rêvent de faire de la Turquie un véritable État islamique. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier non plus que les conjurés d'Ergen Ekon, et plus généralement tous ceux qui ont œuvré à la mise en place de l'État profond, ont commis de multiples crimes. L'ouverture des fosses communes où gisent leurs victimes l'a amplement confirmé. Toutefois, vous avez raison, ça ne justifie pas toujours l'acharnement actuel du pouvoir islamo-conservateur contre les militaires. Car il ne se passe pas de semaine sans qu'on annonce de nouvelles arrestations ou de nouveaux complots. Ouais, par exemple La justice a dévoilé une conjuration nommée Balyoz, c'est-à-dire marteau de forge. 49 militaires en auraient fait partie. Ce qui s'est traduit par l'inculpation en février 2010 de 7 officiers supérieurs, 4 amiraux, 2 colonels à la retraite et l'ex-général Çetin Doğan, qui pourrait être le cerveau d'Ergen Ekon. Les deux affaires seraient donc liées? Apparemment. Et ça continue. Au début de l'année dernière, 163 militaires de haut rang sont incarcérés et 140 autres sont arrêtés. Et il faut observer que le gouvernement en profite pour emprisonner de nombreux journalistes. Mais sous quel motif alors? Ils sont soupçonnés d'avoir eu des liens supposés avec les comploteurs, à moins qu'ils n'aient entretenu des relations avec le terrorisme kurde, comme disent les autorités. Mais il me semble que vous avez des doutes. Bien entendu. En réalité, le pouvoir veut étouffer les critiques. Mais ce n'est pas fini. Durant l'été 2011, les purges s'accélèrent au sein de l'armée. Il s'agit toujours de ce complot, Balyoz. 43 généraux supplémentaires se retrouvent sous les verrous. Ils sont accusés de tentative de putsch et d'appartenance à une organisation terroriste. Et toujours aucune réaction de l'institution militaire. Si. Fin juillet 2011, les plus hauts cadres de l'armée démissionnent collectivement afin de protester contre les arrestations de militaires qui, depuis 4 ans, se comptent maintenant par centaines. Cependant, le pouvoir ouvre un contre-feu. Au cours de ce même été, on rend public un enregistrement de l'ex-chef d'état-major, Öztürk Köçer, dans lequel celui-ci reconnaît que les militaires avaient bien envisagé de semer le chaos dans le pays afin de renverser l'AKP. Oui, mais est-ce qu'il s'agit d'un vrai enregistrement ? Oui, Kochaner l'a lui-même authentifié. Ouais. Et comment réagit l'opinion turque ? Bah, dans son ensemble, elle soutient le Premier ministre Erdogan, dont le parti vient d'ailleurs d'obtenir un nouveau succès dans les urnes. Mais les observateurs les plus perspicaces ou les plus lucides de la société civile s'interrogent. Autant ils approuvaient l'intention du gouvernement de punir les généraux pour les vrais crimes qu'ils ont commis, autant ils se rendent compte que les islamistes veulent désormais, avant tout, saper l'institution militaire. Et sur quoi ces observateurs-là fondent-ils leurs convictions ? Bien, ils mettent en évidence l'opacité des procédures judiciaires, les durées abusives de détention, mais aussi, et c'est plus grave, le fait que des preuves ont été fabriquées. Et plus fondamentalement, ils soupçonnent l'AKP d'en profiter pour mettre en coupe réglée la justice et les médias. Ouais, d'où les arrestations de journalistes. Bien entendu. Ouais. Toutefois, assez habilement, le pouvoir va frapper un nouveau grand coup. Au début de cette année, il annonce l'ouverture du procès de deux des généraux putschistes de 1980, les autres étant morts. Mais pourquoi ils s'habillent ça ? Ouais, parce que ceux-là sont incontestablement coupables de nombreux crimes. Le 4 avril 2012, c'est donc ouvert ce procès historique où comparaissent Tahin Shahinkaya, 86 ans, chef de l'armée de l'air, mais surtout le principal acteur du putsch, Kenan Evren, qui était chef d'état-major au moment des faits et a ensuite été investi président de la République grâce à un référendum plébiscite. Seul problème, l'un et l'autre sont très âgés et sont même hospitalisés. Alors, ce sera donc un procès pour l'exemple ? Certainement. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'AKP a réussi à affaiblir notoirement l'armée. En témoigne ce que je vous disais au début de cet entretien. L'arrestation récente et sans précédent du chef d'état-major, İlker Başbuğ, qui était encore le patron de l'armée en 2010. En même temps, il faut noter que le pouvoir s'appuie de plus en plus sur la police, qui remplit maintenant des tâches répressives, autrefois confiées à l'armée. Une police fidèle ? Bon, absolument. Et une police qui est aujourd'hui très islamisée. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Mais la manifestation la plus visible du durcissement du régime islamiste demeure la lutte contre le mouvement kurde, comme du temps des kémalistes d'ailleurs. Pourtant, il me semble que lorsque nous avions parlé là, du complot Ergenekon, vous avez signalé que Erdogan était au contraire partisan d'une politique d'ouverture sur la question kurde. C'est parfaitement exact. Mais ça n'a guère duré. D'abord, il faut le souligner, les islamistes au pouvoir se sont bien gardés de réviser cette loi électorale scélérate qui ne permet pas aux partis pro-kurdes d'être représentés au Parlement. Expliquez-moi ça. Tout parti doit atteindre 10% des voix au niveau national pour être représenté au Parlement. Hein, au niveau national ? Oui, et ça permet d'éliminer le principal parti kurde, le BDP, qui ne fait de très bons scores que dans les régions peuplées majoritairement de Kurdes. Cette loi oblige donc les députés kurdes à se présenter sous l'étiquette d'indépendants, ce qui les empêche de se regrouper et donc d'agir efficacement. Et si au sein du groupe AKP, on trouve quelques députés kurdes, ce sont des ralliés au nom de l'islam, qui ne se distinguent guère par leurs revendications en faveur du peuple kurde. Ouais. Les Kurdes n'ont donc pas de représentation parlementaire. Et en même temps, grâce à une modification de la loi antiterroriste, des milliers de Kurdes, maires de petites et moyennes villes, avocats, journalistes, ont été arrêtés. Cela signifie qu'une nouvelle élite politique kurde a été décapitée. Ouais, il n'y a rien de pire que le vide. Hein. Parce que ça laisse le champ libre au terrorisme. Même des proches de l'AKP ont critiqué ces arrestations de masse. Mais en vain. Le pouvoir a clairement choisi l'option sécuritaire et la confrontation. L'été dernier a été particulièrement meurtrier. Le PKK a tué près de 60 soldats, tandis que l'armée a annoncé avoir liquidé des centaines de rebelles dans des raids au sud-est du pays et au nord de l'Irak, où sont positionnés des camps de repli du PKK. L'incident le plus sanglant a eu lieu en décembre. 35 jeunes Kurdes qui revenaient dans leur village avec la marchandise qu'ils étaient allés chercher à la frontière irakienne ont été mitraillés et tués par des F-16 de l'armée turque. Une bavure ? Bah, c'est ce qu'ont prétendu les responsables de l'armée. Ces jeunes gens auraient été pris pour des combattants du PKK. Mais tout avait été conduit dans les règles. Ouais, c'est ce qu'ont dit les militaires. Il y a eu des suites ? Les familles des victimes ont été indemnisées. Erdogan leur a exprimé ses condoléances, mais s'est refusé à faire des excuses. Mais si je vous ai bien entendu, là, Erdogan, qui tente d'affaiblir l'armée, se sert quand même d'elle pour réprimer les Kurdes. Et ce n'est pas sans arrière-pensée, car malgré les épurations, malgré les arrestations, ça lui permet aussi de donner quelques gages aux militaires qui ne cessent de brandir très haut le drapeau du nationalisme turc. Mmh. Avoir un ennemi commun, les Kurdes, bah, ça rapproche. Oui, ça permet de faire passer la purge. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans un récent article du site d'information Slate, Ariane Bonzon affirme que, quels que soient les débordements et les excès du PKK, celui-ci est toujours largement soutenu par la population. Et elle cite un universitaire kurde, Mesut Yegem. Déconnecter la population du PKK paraît d'autant plus difficile que désormais les Kurdes sont beaucoup moins enclins à quitter le sud-est de la Turquie. Ils veulent rester chez eux. Les ratonnades contre les Kurdes se sont multipliées ces derniers mois à la suite de la reprise des attentats du PKK et de la mort de plusieurs dizaines de jeunes conscrits turcs. Ces ratonnades ont lieu dans les quartiers ou les villes de l'ouest du pays où les Kurdes, venus récemment s'y installer, sont minoritaires dans un environnement de plus en plus nationaliste. À noter que dans le même article, la journaliste fait état d'un accord de coopération sécuritaire signé par le ministre de l'Intérieur français, Claude Guéant, au moment même où le président Sarkozy fâchait les autorités turques en sommant Ankara de reconnaître le génocide arménien. Sans commentaire. J'évoquais précédemment l'islamisation croissante de la police. Et sur ce point, je voudrais commencer par un événement qui a soulevé une grande émotion à l'automne 2010. Hanefi Avcı, un ancien cadre de la police qui s'est illustré dans la lutte anticommuniste des années 80, est arrêté. On l'accuse de complicité avec une organisation terroriste. Mais en réalité, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir écrit un livre qui est devenu immédiatement un best-seller. Ouais. Et qu'avait-il dans ce livre si dangereux, hein ? Avcı y dénonçait le noyautage de la police turque par une confrérie islamique dirigée par Fethullah Gülen. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, je vous explique dans un instant. Hafsi Avcı accuse aussi cette confrérie d'être à l'origine des révélations de ces complots dont on a parlé, et par conséquent de porter une responsabilité dans les vagues d'arrestations de militaires ou de personnalités laïques qui ont suivi ces révélations. Mais pour autant, cet ancien policier-là doute-t-il de la réalité des accusations portées contre les militaires ? Bah, il met clairement en cause la crédibilité de plusieurs affaires, y compris la fameuse affaire Ergenekon, en estimant qu'elle repose sur des preuves fragiles. Il dénonce aussi le recours systématique à des écoutes téléphoniques douteuses, suscitées par des éléments de la police qui seraient liés à la confrérie Gülen. Pour lui, cette confrérie jouerait donc un rôle éminent dans le combat contre la laïcité ? C'est évident. Ce qui donne du poids à sa démonstration, c'est que pour une fois, les attaques contre les islamistes sont exprimées par un professionnel respecté qui jouit d'une grande expérience. Ouais, alors... Maintenant, parlez-moi de cette confrérie si influente. Et d'abord, un mot sur son fondateur, Fethullah Gülen. Cet imam, présenté souvent comme un mystique, a quitté la Turquie en 1997, après le putsch des militaires contre le premier gouvernement islamiste. Il était alors soupçonné de fomenter un complot islamiste. Ouais, c'est pourquoi il s'est exilé. Juste avant qu'une procédure soit ouverte contre lui. Ah, oui. Et où s'est-il installé ? Aux États-Unis, où officiellement il soigne son diabète. Remarquez qu'en 2008, il a été blanchi par la justice turque Et pourtant, il n'est pas revenu en Turquie et a même demandé le renouvellement de sa carte verte de résident aux USA. Mais ça lui a été accordé ? En effet. Mais détail intéressant. Les magistrats qui ont examiné sa requête ont émis l'hypothèse que Gulen aurait des liens avec la CIA. Ça, du point de vue américain, c'était plutôt en sa faveur. Non ? Oui, mais en même temps, ils ont posé la question du financement de la confrérie, dont la puissance financière est estimée à 25 milliards de dollars. Mais c'est énorme, ça. Et vous allez le voir, ce petit homme sexagénaire et sans charisme apparent jouit d'une influence considérable bien au-delà des frontières de son pays natal. Attendez avant de poursuivre là. Pourquoi n'est-il pas revenu en Turquie alors que les islamistes de l'AKP sont au pouvoir ? Pour certains cercles, autant états-uniens que turcs, Gulen, volontiers comparé à un Khomeini turc, attendrait son heure pour instaurer l'ordre islamique dans son pays. Mais pour d'autres, Gulen serait l'un des pions de la politique américaine au Moyen-Orient et en Asie centrale. Et l'installation de son réseau d'écoles, de fondations et de compagnies de tous ordres qu'il dirige se ferait avec la bénédiction de la CIA et du Pentagone. Mais pourquoi cela l'empêcherait-il de revenir dans sa patrie ? Parce que, toujours selon ces mêmes sources, Gulen serait utilisé comme un levier ou une menace au cas où Ankara manquerait à son grand allié et tuteur états-unien. Et c'est crédible ? Pourquoi pas ? Une chose est certaine, en tout cas, c'est le poids que pèse ce gourou. En juin 2008, Fethullah Gulen a été élu penseur le plus influent de l'année par le magazine américain Foreign Policy. Sur quoi a-t-il fondé sa puissance ou son influence ? Sa confrérie est présente dans tous les domaines de la société. Il a ainsi créé une confédération des entrepreneurs turcs qui rassemble 30 000 membres et 30 des plus grandes entreprises du pays. D'autre part, au Parlement, il disposerait de plusieurs dizaines de fidèles. La confrérie a aussi investi dans l'industrie, les banques, les médias, les universités et même l'humanitaire. Mais c'est surtout son réseau d'écoles qui fonde son influence. Plus de 120 à travers le monde, dont certaines en France. Et puis, avez-vous dit, là, il y a cette infiltration dans la police ? Pas seulement dans la police. Les institutions clés du pays, fonctionnaires territoriaux, enseignants, imams, services secrets et justice sont aussi l'objet de cette stratégie d'entrisme. Et il est très dangereux d'en parler publiquement. En mars 2011, le journaliste indépendant Ahmed Sik, qui était sur le point de publier une enquête sur la confrérie et ses ramifications dans l'appareil d'État, a été arrêté. Et il est resté emprisonné une année entière. Mais entre-temps, son manuscrit a été diffusé sur Internet. Ouais. Pour l'instant, donc, Erdogan et Gulen marchent du même pas. En principe, oui, mais ça n'empêche pas les rivalités et même les coups fourrés. Comment expliquer, par exemple, la convocation surprise par la justice, début février 2012, de plusieurs responsables des services de renseignement ? À quel propos, alors ? Le procureur voulait savoir ce qu'il en était de la réalité de contacts secrets que le directeur des services, Hakan Fidan, aurait entamé avec le PKK dans le cadre de l'éphémère politique d'ouverture envers les Kurdes. Et qu'y a-t-il d'étonnant, là ? Fidan est un proche, très proche, d'Erdogan. Erdogan, auquel, de toute évidence, il n'a fait qu'obéir en menant ses contacts secrets. Cette convocation de la justice était donc une pierre dans le jardin d'Erdogan. Un véritable défi de la justice au pouvoir en place. Mais alors, qui se trouvait derrière ? Après avoir éliminé un certain nombre d'hypothèses, la plus sérieuse est celle qui implique la confrérie Gulen. Une preuve de plus qu'elle a aussi noyauté la justice. Mais pourquoi ce coup contre Erdogan ? Un coup qu'Erdogan a rapidement paré en faisant voter en toute urgence une loi protégeant les responsables des services secrets contre toute intrusion judiciaire. Alors, pourquoi, me demandiez-vous ? Eh bien, je crois que Gulen a voulu montrer ainsi son désaccord sur plusieurs points de la politique d'Erdogan, comme les relations avec Israël ou la question kurde. Et Gulen a voulu montrer ses muscles. Et signifier au milieu politique et à l'AKP que la confrérie était prête à assumer la succession si jamais le Premier ministre Erdogan, affaibli par un cancer assez grave, devait rapidement renoncer au pouvoir. Et dans ce cas, l'islamisation de la Turquie serait quasi inéluctable. Sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission, c'est-à-dire la podcaster, À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou. Et tout de suite après le flash show de Mon Amour de Denis Chessou.